Chapitre 283. L'interdiction de torturer par le feu tout animal, ne serait-ce qu'une fourmi ou son équivalent. 1609. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'envoya en expédition avec d'autres compagnons en leur disant « Si vous rencontrez un tel ou un tel, il nomma deux hommes de Quraysh, brûlez-les. » Lorsque nous fûmes sur le point de partir, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit « Je vous ai ordonné de brûler un tel et un tel. Or, seul Allah châtie par le feu. Par conséquent, si vous les trouvez, contentez-vous de les tuer. » Al-Bukhari. 1610. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte « Nous étions avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en voyage, lorsqu'il se sépara de nous pour ses besoins. Nous aperçûmes alors un petit oiseau avec ses deux oisillons dont nous nous saisîmes. La mer se mit aussitôt à battre des ailes. De retour, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous interrogea. « Qui a affligé cet oiseau en s'en prenant à ses petits? Rendez-les lui. » Ensuite, il vit, alayhi salatu wassalam, une fourmilière que nous venions de brûler, et il demanda « Qui l'a brûlée ?» Nous répondîmes « C'est nous ». Il dit, alayhi salatu wassalam, « Il ne convient qu'au Seigneur du feu, Allah, de châtier par le feu. » Abu Daoud, avec une chaîne de narrateurs authentiques.